بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On s'était arrêté la dernière fois dans les dourous de fiqh à la parole de l'imam Ibn Qudama rahimahullah ta'ala dans 'Umdat al-Fiqh, le chapitre de l'Wudu. Il finissait le chapitre en disant wal masnun, c'est-à-dire ce qui est sunna dans le wudu, et il va citer six choses qui sont sunna. Il y a certaines choses, en fait toutes, on a parlé précédemment. Donc on fait que récapituler en fait ce qui dans la description de l'wudu est une sunna par rapport à ce qui a précédé dans le dars précédent, ce qui était dans la description de l'wudu obligatoire. Le premier, ce qui est sunnah, la première chose, de dire bismillah. On a dit que c'était pas obligatoire. Et que même certains ulama ont dit que c'était pas légiféré. D'accord? En tout cas, on peut pas dire que c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que les hadiths qui nous rapportent le wudu du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les deux sahih, al-Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Zayd et l'autre selon Uthman ibn Affan, radiyallahu anhuma, ne cite pas al-basmala. Ne cite pas al-basmala. Donc, on a déjà parlé de cette question-là. Deuxièmement, wa ghaslu al-kaffayni, le fait de laver les mains. On a vu que laver les mains au début de l'wudu, c'était sunnah. Sauf dans un cas, qui est lorsque la personne se lève du sommeil de la nuit. Man qama min nawm al-layl. D'accord? Il faut qu'il lave ses mains trois fois en dehors du récipient. Et on a cité la preuve dans Sahih al-Bukhari et le fait que c'était obligatoire, c'est une riwaya, une version de l'imam Ahmed, rahimahullah, et c'est rapporté, et c'est défendu par Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala. Troisièmement, thalithan, wal-mubalaghatu fil-madmadati wal-istinshaq illa an yakuna sa'ima. Le fait d'insister sur le madmada, c'est-à-dire le fait de laver la bouche et de laver le nez, d'insister en cela, c'est-à-dire d'aspirer avec force. Voilà. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima. Wal hadith akhrajahu at-Tirmidhi. Ce hadith est rapporté par at-Tirmidhi an Laqit ibn Saburah. Et il dit, et insiste sur l'istinshaq, le fait de mettre l'eau dans le nez, sauf si tu jeûnes. L'exception c'est quoi? Il l'interprète sa'ima pour ne pas annuler le jeûne ou pour ne pas risquer d'annuler le jeûne. Si la personne il fait l'istinshaq pendant le jeûne de Ramadan et qu'involontairement il avale de l'eau, vraiment on dit ça n'annule pas son jeûne. Donc c'est involontaire. Ensuite il dit rahimahullah. Quatrièmement, wa takhlil al-lihyati wal asabi', et le fait de passer les doigts dans la barbe et le fait de passer les doigts entre les doigts et entre les orteils. Et on a déjà parlé de cette question-là. Khamisan, wa mashul udhunayni, le fait de passer sur les oreilles. C'est donc sunnah, le fait de passer sur les oreilles. Right? Et on a vu que c'est l'intérieur des oreilles, l'extérieur des oreilles, comme c'est venu dans la hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ah, le khamisan, le fait de passer dans les oreilles. Mashal udunayni. Le fait de passer dans les oreilles. Et il rapporte un hadith de Tirmidhi qui l'a authentifié. Anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam masaha bi ra'sihi wa udunayni. Zahirahuma wa batinahuma. Zahirihima wa batinihima. Hein? Comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé la main sur sa tête et dans les oreilles. L'intérieur et l'extérieur. Il a lavé l'intérieur des oreilles et l'extérieur des oreilles. Et le hadith est rapporté par Tirmidhi. وقال حسن صحيح. Parce que comme on l'a vu précédemment, il n'y a pas de preuve qui le rend obligatoire. Et le hadith, al-udhunani min al-ra's, les deux oreilles font partie de la tête. Donc, se base certains éléments pour dire que c'est obligatoire. Et daif. وسادسًا وغسل الميامين قبل المياسير. Qui est sunnah, la sixième chose qui est sunnah, le fait de laver les membres droits avant de laver les membres gauche. C'est sunnah. Ça veut dire que la personne, il doit se laver d'abord le membre droit avant le membre gauche. S'il ne le fait pas ou qu'il se trompe, cela n'annule pas son wudu. Contrairement, on l'a dit, Au fait, s'il ne respecte pas l'ordre et Tartib, qui lui est un rokn, qui est un pilier de l'Oudou. D'accord? Donc le fait de faire la droite avant la gauche, c'est sunnah. Il faut le faire. Le dalil, c'est la parole de Aïcha radiallahu anha. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في التنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه. Le prophète صلى الله عليه وسلم aimait commencer par la droite lorsqu'il mettait ses chaussures, lorsqu'il se peignait, lorsqu'il se purifiait et dans toutes les choses. Ce hadith, donc on a dit, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. سابعا la septième chose والغسل ثلاثا ثلاثا le fait de laver chaque fois trois fois hein? Ceci est sunnah, il faut se laver trois fois et le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme on l'a vu c'est a fait le wudu une seule fois et a fait le wudu deux fois a fait le wudu trois fois. وتكره الزيادة عليها et il est détestable ou déconseillé. En réalité, c'est interdit dans le sens ici, c'est l'interdiction de faire l'eau plus de trois fois, de laver un membre plus de trois fois. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أسى وتعدى وظلم رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. Un bédouin est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le questionner à propos de l'wudu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a montré l'wudu. Il l'a fait trois fois, chaque membre trois fois, et ensuite il lui a dit ceci est l'wudu. Celui qui fait plus que cela, c'est-à-dire plus de trois fois, il a fait une mauvaise chose, il a dépassé la limite et il a été injuste. Trois choses il a dit. Ce hadith le rapporté par Ahmed et An-Nasa'i ibn Majah. Il est sahih. Il a été injuste. Il a fait trois choses. Faqad asa, il a fait une mauvaise chose. Wa ta'adda, il a dépassé la limite. Wa zalam, et il a été injuste. Dans ce hadith, il y a plusieurs fawa'id, plusieurs enseignements. Le premier, regardez, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il est prophète, malgré qu'il est chef de l'état islamique, entre guillemets, imam, malgré toutes les occupations qu'il a, il fait preuve d'une extrême modestie lorsqu'un bédouin lui demande à propos de l'wudu, il lui enseigne l'wudu, sallallahu alayhi wa sallam. وهذا من حسن أدبه, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, l'enseignement de ce hadith, c'est ce qui a précédé, c'est-à-dire qu'on ne fait pas plus de trois fois. قال ابن المبارك رحمه الله لا آمن إذا زاد في الوضوء على ثلاثة يأثم. Abdullah ibn Mubarak, parmi les imams des salaf, les tabi'in. Comme quoi il a dit, tabi'in ou tabi'in, al-muhim, Mubarak, parmi les imams de la sunna, il dit, rahimahullah, je ne peux pas garantir que celui qui fait le wudu plus de trois fois n'a pas commis de péché. Pour lui, c'est quasiment un péché de faire plus de trois fois. Ce qui appuie ce qu'on a dit précédemment de l'interdiction. وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاثة إلا رجل مبتلى أي مبتلى بالوسواس مبتلى بالوسواس. Ahmad et Ishaq ont dit, celui qui fait plus de trois est une personne éprouvée, c'est-à-dire éprouvée par le waswas. Hein? Le waswas, c'est une maladie. C'est une maladie qui vient du shaitan, il fait faire aux gens des innovations, des choses qui ne font pas partie de la sunna. Toutes ces deux paroles que nous citées, elles sont dans Nail al-Altar, volume 1, la page 189. Wal-Israfu filma, wa-yukrahu al-Israfu filma. Et il est détestable de quoi? De gaspiller l'eau. De gaspiller l'eau. Ça, on le prend des règles ou des preuves générales de la charia qui interdisent le gaspillage. Parce que le hadith qu'il cite et qui est cité sur cette question-là, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam marra ala sa'd wa huwa yatawadda fa qala la tusrif. Qala ya rasulallah afi al-ma israf? Qala na'am wa in kunta ala nahrin jar. Rawahu ibn Majah في إسناده عبد الله بن لاهيعة وهو سيء الحفظ فالحديث ضعيف. Le hadith de Sa'd, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant Sa'd alors qu'il faisait le wudu et qu'il lui a dit ne gaspille pas. Et qu'il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, y a-t-il un gaspillage dans le wudu? Y a-t-il un gaspillage dans l'eau? Il lui a répondu oui, il y a un gaspillage même si tu fais le wudu d'une rivière qui coule. Ce hadith il est rapporté par Ibn Majah et dans son isnad il y a une personne qui s'appelle Abdullah ibn Lahia wa huwa sayyu al-hifz, il a une mauvaise mémorisation, c'est un hadith daif. Wa an hassanahu ba'd al-ulama. Il est daif ala qawl al-mutaqaddim. Mas'ala. Nazid wa naqul le Ibn Qudama il continue en disant wa yusannu as-siwak, parmi les sunnah de l'wudu as-siwak, hein, as-siwak. Et donc on rentre, il n'a pas cité comme chapitre Ibn Qudama, mais on rentre dans le chapitre du siwak. Et on va en profiter pour quelque chose qui n'est pas d'Aqidat al-Fiqh, mais pour rajouter les questions qui sont liées à ce qu'on appelle al-fitra, hein, les caractéristiques de la fitra, de la saine nature humaine, qui sont au nombre de 5, comme on va le citer, Inch'Allah. Il dit Ibn Qudama, rahimahullah, wa yusannu siwak, wa yusannu siwak, et il est sunna d'utiliser le siwak. Mutlaqan, c'est-à-dire c'est sunna d'utiliser le siwak en tout temps et en tout lieu. D'accord? An Aisha radiyallahu anha, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, as-siwak matharatun lil-fam, mardatun lil-rabb. Rawahu Ahmad wa an-Nasa'i wa huwa lil-Bukhari ta'liqa. Aisha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le siwak est une purification pour la bouche et c'est un agrément auprès de votre Seigneur. C'est quelque chose que votre Seigneur aime et agrée. Rapporté par Ahmed et An-Nasa'i. Subhanallah. Ma arhamur Rabb subhanahu wa ta'ala. Imaginez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et toutes les portes du bien qu'il nous a ouvert devant nous. Le simple fait de se nettoyer la bouche avec un morceau de bois, Allah il nous aime. Il aime cet acte-là. Tu veux faire une hasana, tu veux faire une bonne action, prends ton siwak et frotte-toi les dents, subhanallah. Quel bon Seigneur que notre Seigneur, subhanallah. Donc il est sunnah mutlaqan, comme l'a dit le commentateur de Umdat al-Fiqh fil Udda, wa yusannu siwak fi jami' al-awqat. Et il est sunnah d'utiliser le siwak en tout temps. Et ensuite il rajoute les ulama Ibn Qudama rahimahullah, il dit 'inda taghayyur al-fam, et lorsque la bouche, l'odeur de la bouche te change. L'odeur de la bouche change, c'est-à-dire devient mauvaise, d'accord? Wa min an-nawmi, et lorsqu'on se lève du sommeil. وعند الصلاة لسكم وفعل الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل الصلاة ها إلى السنة تتلزم السواك donc il dit Ibn Qudama lui-même dans عمدة الفقه lorsque la bouche l'odeur de la bouche change lorsque la personne se lève du sommeil et lorsque la personne veut faire la salat. 3 on va voir qu'il y en a plus en fait. C'est ce qu'il a cité Ibn Qudama rahimahullah. Il se base sur le hadith comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie si je ne voulais pas, je ne veux pas causer de difficultés à ma communauté, sinon j'aurais ordonné le siwak à chaque salat. Allah, sa faillite est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'a pas voulu nous imposer la difficulté, donc il l'a enlevé. Ce hadith il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il est préférable de l'utiliser en tout temps. An-Nawawi a dit, comme c'est cité par Al-Shawkani dans l'Awtar, وَالسِّوَاكُ مُسْتَحَبٌ فِي جَمِعَ الْأَوْقَاتِ لَكِنُ فِي خَمْسَةِ أَوْقَاتِ يَشَدُّ اسْتِحْبَابًا. Le siwak est donc sunnah et mustahab, préférable, recommandé en tout temps. Mais il est préférable dans 5 cas. Il est encore plus recommandé dans 5 cas. Donc Nawawi, il dit, le siwak est préférable ou est recommandé en tout temps. Et il est particulièrement, ou encore plus, recommandé dans 5 cas. أحدهما عند الصلاة سواء كان متطهرا بماء أو بالتراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابا. Le premier, lors de la salat. Que la personne ait fait le wudu avec de l'eau ou qu'il ait fait le tayammum. Ou qu'il n'ait ni d'eau et ni de poussière. Hein? Qu'il n'ait ni l'un ni l'autre. Ça c'est un cas qu'on n'a pas vu, qu'on verra inch'Allah au moment du tayammum. Les ulama ont appelé cette question-là faqidu tahuraini, la personne auquel il manque les deux purifiants. Une personne qui est par exemple emprisonnée, Allah vous en préserve ainsi que moi, et qui n'a pas de d'eau ni de truc, ou qu'il est attaché, enchaîné, qu'Allah vous en préserve ainsi que moi, et qui l'heure de la salat rentre, ça peut arriver qu'Allah nous en préserve. Et qu'on a attaché le dos. Il y a plus d'une personne. Qu'est-ce qu'il fait la personne? Il fait la salat. Il ne sort pas à l'heure de sa salat. L'important, c'est la salat. D'accord? tant pis s'il ne peut pas faire les conditions de la salat, se purifier ou faire l'eau d'eau ou quoi que ce soit, il fait la salat dans l'eau. Il fait l'appel à la prière, il fait sa salat. Il fait l'iqama, il fait la salat. Un thani, عند l'eau. La deuxième, lors de l'eau d'eau. Il doit faire quoi? Le siwak lors de l'eau d'eau. D'accord? Certains éléments, ils ont dit avant. Certains, ils ont dit après. Certains, ils ont dit pendant, lorsqu'il fait, qu'il met l'eau dans la bouche, il prend son siwak et il se frotte les dents. خير إن شاء الله أمر واسع. الثالث وعند قراءة القرآن. Le troisième moment lors de la lecture du Coran. Passe le siwak. Avant la lecture, il passe le siwak. الرابع عند الاستيقاظ من النوم. Quatrièmement lorsqu'il se lève du sommeil. الخامس وعند تغير الفم. Cinquièmement lorsque l'odeur de sa bouche change, il devient mauvaise. وتغيره يكون بأشياء منها ترك الأكل والشرب ومنها أكل ما له رائحة كريهة ومنها طول السكوت ومنها كثرة الكلام. يسيت النووي les choses qui font que que l'odeur de la bouche change. Il dit le fait de ne pas manger ou de pas boire, le fait de manger quelque chose qui a une mauvaise odeur, le fait de se taire pendant un long moment ou le fait de beaucoup parler. En ce qui concerne les preuves, le premier, on a cité le hadith de Aïcha, le hadith de Hudhayfa radiallahu anhu, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك متفق عليه. قال ابن قدامة يغسله يقال شاصه يشوصه. Donc le Hudhayfa rapporte que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم lorsqu'il se levait le matin, se levait du sommeil de la nuit, il nettoyait sa bouche avec le siwak. Muttafaqun alayh. Comment on passe le siwak? Sifatul istiyak. Qal ibn Qudama fil Mughni wa yastaku ala asnanihi wa lisanihi. Qal Abu Musa atayna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa ra'aytuhu yastaku ala lisanihi. Muttafaqun alayh. Ibn Qudama dit on utilise le siwak sur les dents et sur la langue. On se frotte la langue aussi. Abu Moussa a dit, je suis venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et je l'ai vu passer son siwak sur sa langue. Muttafaqun alayh, rapporté par Al-Bukhari au Muslim, si c'est dans le Mughni. Qal ibn Taymiyyah rahimahullah, al-afdal an yastaka bil yusra, nassa alayhi al-imam Ahmad fi riwayat ibn Mansur al-Kawsaj, dhakarahu anhu fi masailih. وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى فهو كالاستنثار والامتخاط. ابن تيمية رحمه الله dit on utilise le siwak avec la main gauche, on tient le siwak dans la main gauche, ceci est l'avis de l'imam Ahmed, comme l'a rapporté son élève de Mansour al-Kawsaj, Ibn Mansour al-Kawsaj. Il dit, nous ne connaissons pas de divergence dans cela, on utilise le siwak avec la main gauche. Et il donne la preuve, il dit, car le siwak fait partie du fait d'enlever les saletés. Tout comme l'istinthar, le fait de, lorsqu'on met l'eau dans son nez, quand on recrache l'eau, on le fait avec la main gauche. D'accord? L'imtikhab, le fait de l'imtikhab. ونحو ذلك ما فيه زالة الأذى. الانتخاب سلفة سموشي ونحو ذلك مما فيه زالة الأذى وذلك باليسرى. يزيل الفيد دون في لسالتين سيبا avec la main gauche. كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار نحوه باليسرى. يزيل comme le fait d'enlever les impuretés, par contre pas les saletés, comme le fait de se nettoyer après avoir fait ses besoins. أكرمكم الله. Ceci c'est avec la main gauche. C'est dans Majmou' al-Fatawa, le volume 21, la page 108. Ainsi, non, il manque une mas'ala, excusez-moi. Ibn Qudama, rahimahullah, il dit, illa lissa'imi ba'da zawal. Il dit, il est sunna d'utiliser le wudu, sauf dans un cas. D'utiliser le siwak, pardon, sauf dans un cas. Lorsque la personne jeûne, après que le soleil se soit levé. D'accord? Ah ouais, la divergence entre les éléments. Certains les autorisent, ils disent que c'est déconseillé d'utiliser les siwak pendant qu'on jeûne. D'accord? Ils se basent sur le hadith. Comme quoi, comme quoi, l'odeur de la bouche du jeûneur est plus aimée par Allah que l'odeur du misc. Allah, d'accord? Allah, donc ils disent, on n'enlève pas cette odeur. D'accord. Jusqu'à Allah, il l'aime. D'accord? Mm-hmm. Ceux qui disent qu'il n'y a aucune interdiction, ou pardon, c'est pas une question d'interdiction, mais qu'il n'est pas déconseillé d'utiliser le siwak pour le jeûneur, ils se basent sur un hadith, le hadith de Amr ibn Rabi'a, comme quoi il a dit, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. J'ai vu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم plus de fois que je ne peux le compter utiliser les siwak alors qu'il jeûnait. Le problème c'est que ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi وفي إسناده عاصم بن عبيد الله قال ابن حجر وهو ضعيف كما في نهي الأوتار. Ce hadith est ضعيف. Il a dans son isnad une personne qui s'appelle عاصم بن عبيد الله et qui est ضعيف. Donc on en revient là. Si ce hadith était authentique, khalas, ce hadith nous suffit. Comme quoi les compagnons, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam utiliser le siwak alors qu'il jeûnait, on peut pas dire que c'est déconseillé, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait. Le problème, c'est que ce hadith est daif. Donc, on revient à l'avis de ceux qui disent, comme quoi l'odeur de la bouche du jeûneur, hein, est plus aimée par Allah que l'authentique. Voilà, on prend ce qui est établi. Donc, Allah a'alam. Le mieux, c'est de ne pas utiliser le siwak après le zawal. Allah il n'y a pas d'interdiction. أقول قولي هذا والله أعلم. Ensuite, on rajoute, ça ce n'est pas d'Amdat al Fiqh d'Ibn Qudama, on rajoute explication du hadith qui lui est dans un autre livre, qui est un livre aussi qui est conseillé pour les débutants, qui est Amdat al Ahkam, qui est un livre de hadith authentique, rapporté soit par Bukhari, soit par Muslim, soit par Bukhari ou Muslim, qui rassemble des hadiths concernant le fiqh sur Sunan al Fitra, les Sunna de la Fitra, de la saine nature. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس. أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس. الختان circoncision والاستحداد le fait de se raser le pubis, de se raser autour des parties. Wa qassu sharibi, le fait de tailler les moustaches. Wa taqlim al adhafiri, le fait de se couper les ongles. Wa natfu al ibti, le fait de s'épiler les aisselles. Muttafaqun alayh, ce hadith il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 1. La circoncision. 2. Se raser le pubis. 3. Se tailler la moustache. 4. Se couper les ongles. 5. S'épiler les aisselles. Ce hadith il est rapporté par Al-Bukhari aussi. Dans un autre hadith, عن زكريا ابن أبي زائدة عن مصعب ابن مصعب ابن مصعب ابن شيبة عن طلق ابن حبيب عن أبي الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة. dans ce hadith rapporté par Aisha, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit 10 choses ça fait partie de la fitra ici. قص الشارب طي la moustache. وإعفاء اللحية, laisser pousser la barbe. والسواك, utiliser le siwak. واستنشاق الماء, le fait de faire l'istinshaq, de mettre l'eau dans la bouche pour se laver la bouche. وقص الأظفار, se couper les ongles. وغسل البراجم, le fait de se laver, البراجم. ونطف الإبط, le fait de s'épiler les aisselles. وحلق العانة, le fait de se raser le pubis. وانتقاص الماء, يعني الاستنجاء, le fait de faire الاستنجاء, de se laver après avoir été aux toilettes. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. Zakari rapporte que Mus'ab, un des rapporteurs de hadith, a dit, j'ai oublié la dixième. Le rapporteur de hadith, il a oublié la dixième. Illa an takuna al-madmada. Ou alors c'est al-madmada, le fait de passer l'eau dans la bouche. Al-istinshaq, pardon, je me suis trompé, c'est le fait de mettre l'eau dans le nez. Al-istinshaq. Rahu ce hadith, rahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i wa Tirmidhi. Ce hadith, il est dans Sahih Muslim, dans Musnad al-Imam Ahmad, dans Sahih Muslim, dans Sunan al-Nasa'i, dans Jami' al-Tirmidhi. On voit qu'en fait, les cinq qui sont dans le premier, Et les cinq autres, les cinq autres, on les a vus. On a vu le siwak, on a vu, etc., etc., le madmada, le stincha, etc., etc., d'accord? Donc, on revient sur les cinq du premier hadith rapporté par al-Bukhari. Le premier, al-khitan, la circoncision. قال ابن قدامة ويجب الختان لأنه من ملة إبراهيم فإنه روي أن إبراهيم عليه السلام ختن نفسه متفق عليه. ابن قدامة عليه رحمه الله le khitan est obligatoire. Hein? Car il fait partie de la religion d'Ibrahim عليه السلام. Et il est rapporté que Ibrahim s'est circoncis lui-même. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وقد قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Il a donné la preuve comme quoi Allah عز وجل il a dit et nous t'avons révélé, c'est-à-dire au prophète صلى الله عليه وسلم de suivre la religion d'Ibrahim. D'accord? Ça fait partie de la ملة d'Ibrahim عليه السلام. Il l'a fait alors qu'il était âgé, comme c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari. Donc, Ibn Qudama, il nous dit, c'est la vie le plus juste comme quoi le khitan est obligatoire. D'accord? Parce que ça fait partie de la religion d'Ibrahim, alayhi salam. Il l'a fait alors qu'il était vieux. 80 ou 90 ans, je me souviens plus. Hadith Ibn Bukhari, j'y reviendrai, inshallah. Et il nous ramène un deuxième dalil, c'est quoi? Yajuzu kashf al-aurati. Yajuzu kashf al-aurati li ajlihi. Yajuzu kashf al-aurati. من أجله ولو أنه واجب ما جاز النظر إليها لفعل مندوب فإن كان كبيرا وخاف على نفسه من الختان سقط وجوبه وهذا في الكافي في فقه الإمام أحمد. Et Ibn Qudama رحمه الله ramène un deuxième dalil, nous dit le deuxième dalil c'est quoi? Alhamdulillah, alhamdulillah. C'est qu'il est quoi? C'est qu'il est permis de montrer sa aura pour faire le khitan. Montrer sa aura, c'est quoi, Ikhwan? C'est haram. D'accord? Or, il est permis, dans ce cas-là, de montrer sa aura. Or, le haram, il peut devenir permis que pour une chose obligatoire. Si c'était juste mustahab, conseillé, ça serait pas, on peut, le conseiller, il peut pas rendre permis l'interdit. On est d'accord? Il y a que l'interdit, il fait face à quoi? À l'obligatoire. Donc, c'est parce que le khitan est obligatoire qu'on a le droit de montrer sa aura pour faire le khitan. C'est le raisonnement d'Ibn Qudama, rahimahullah. Et c'est dans le Kafi, à la page 20. Le Kafi, fi fiqh l'imam Ahmed. Vous savez, Ibn Qudama a 4 livres dans le fiqh. On explique en ce moment, Umdat al-Fiqh. Il y a le Muqri', il y a le Kafi, le troisième, et il y a le Mourni. On cite, des fois de le Mourni, des fois de le Kafi. قال ابن تيمية رحمه الله أما الختان فمتى شأختة يقول ابن تيمية du moment auquel il est préférable de faire le khitan, l'âge. Il dit رحمه الله قال ابن تيمية أما الختان فمتى شأختة لكن إذا راهق البلوغ فينبغي أن يختتن كما كانت العرب تفعل لأن لا يبلغ إلا وهو مختون. En ce qui concerne la circoncision, quand il veut, il le fait. D'ailleurs, on peut circoncire quand on veut. Par contre, s'il approche de la puberté, là, il faut le circoncire. Et c'est ce que faisaient les Arabes à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin que lorsqu'il arrive à la puberté, il soit circoncis. Amma al-khitanu fi sab' fa fi qawlan. Il dit, par contre, le fait de circoncire les enfants le septième jour, comme ça se fait. Septième jour, il y a deux avis chez les ulama. Huma riwayatani an Ahmed. C'est deux versions rapportées de l'imam Ahmed. قيل لا يكره لأن إبراهيم ختن إسحاق في السابع. Certains ulama ont dit ce n'est pas déconseillé. Donc la divergence il est sur le fait est-ce que c'est déconseillé de circoncire l'enfant le septième jour ou pas. Certains ils ont dit ce n'est pas déconseillé car Ibrahim alayhi salam il a circoncis son fils Ishaq à ses sept jours. Et certains ont dit وقيل يكره لأنه عمل اليهود. Et certains ont dit c'est détestable de faire cela car c'est la pratique des juifs. Les juifs circoncisent leurs enfants le septième jour. D'accord. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné dans les hadiths de nous différencier de Khaliful Yehuda al-Nasara. D'accord? Donc, nous, on se différencie d'eux, c'est la vie. Allahu alayhi le plus juste. Fa'idi ibn Taymiyyah rajoute Fa'yukrah wa tashabbuhu bihim wa hadha madhhab Malik. Wallahu alayhi. Il dit, il est détestable de se, d'imiter les juifs. Et ceci est la vie de Malik, rahimahullah. C'est dans Majmu' al-Fatawa, la volume 21, la page 113. Voilà pour le khitan, de manière générale. Ibn Qudama, elle a dit, pardon, J'ai oublié de citer cette phrase-là, de la traduire. En fait, je vais citer en arabe, je ne l'ai pas traduit. Ibn Qudama, il a dit dans la citation précédente, فَإِنْ كَانَ كَبِيرًا وَخَافَ عَنْ نَفْسِهِ مِنَ الْخِتَالِ سَقَطَ وُجُوبُهُ. Si la personne est âgée et qu'il a peur de se circoncire, dans le sens, il a peur que de mal que ça peut lui faire ou quoi que ce soit, ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Donc, voilà. S'il a peur de, par exemple, de, je sais pas moi, d'être impuissant ou d'être dans des situations ou quoi que ce soit, ça n'est pas obligatoire. Aujourd'hui, à notre époque, alhamdoulilah, il y a des opérations, on t'endort. Les convertis, c'est facile à faire, en Europe particulièrement, même dans d'autres pays. Oui, voilà, ils t'endort. À l'hôpital, anesthésie générale, etc. Deuxièmement, à l'istihdad. Je l'ai fait, moi. Al-istihdad ou halqul ana, le fait de s'épiler le pubis. D'accord? Wa huwa mustahabun, ceci est recommandé. Ceci est recommandé, li'annahu min al-fitra, car ceci fait partie de la fitra. Na'am, wa bi ayyi shay'in azalahu sahibuhu fala ba's. Et lorsque et s'épiler avec quoi que ce soit, c'est-à-dire avec un rasoir ou quoi que ce soit, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Ça, c'est de le résumé de l'Mourni. C'est la parole d'Ibn Qudama d'Al-Mourni dans Kitab al-Taharah. Il convient de le faire. D'accord? Il convient vraiment de le faire. C'est très recommandé de le faire. Ça fait partie de la fêtera. C'est-à-dire presque, c'est ce qui nous différencierait presque entre les humains et les bêtes, comme on dit certainement. Passe au charibi. Troisième, le fait de tailler la moustache. عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من شاربه فليس منا رواه أحمد والنسائي والترمذي قال حديث صحيح زيد بن أرقم rapporte que le prophète le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit celui qui ne se taille pas les moustaches il ne fait pas partie de nous ce hadith il est rapporté par Ahmed al-Nasa'i et al-Tirmidhi c'est un hadith Hassan sahih d'accord. Donc, ça aussi, ça fait partie de la sunna. Il convient de le faire. Contrairement à ce que font certaines personnes, c'est répandu parmi les Arabes à notre époque. Il laisse une moustache. Voilà, de laisser une moustache. Une moustache, il rase la barbe. Ressembler au Tawarit. Les Tawarit comme Nasser, comme Boumediene, comme les gens du commun. Tu sais très bien, tu les vois. C'est ça que je te dis. Ce hadith, il est rapporté par Ahmed al-Nasa'i al-Tirmidhi. Comment on se taille les moustaches? قال البخاري في كتاب اللباس من صحيح. Dans Sahih al-Bukhari, dans le livre de l'habillement, des habits, il dit al-Bukhari bab qasu al-sharib, chapitre, fait de tailler les moustaches. Wa kana ibn Umar yuhfi sharibahu hatta yunzara ila bayad al-jald. Ibn Umar taillait sa moustache jusqu'à ce que l'on voit la blancheur de sa peau en fait. D'accord. Donc, c'est recommandé, c'est voilà. C'est taillé, très court, quoi. Voilà. Voilà, la peau. À voilà. Travers, pardon, c'est pas la sunna, c'est l'acte de Omar. C'est l'acte de Omar, radiallahu anhu. Et on a déjà dit que, comment ça s'appelle, que, lorsqu'on n'a pas de sunna, c'est habitant, le hadith du prophète, on revient aux actes des salafs, en premier lieu, les sahaba, les compagnons du prophète, Ibn Qudama rahimallah, il dit dans certains cas, comme quoi dans le Mourni, comme quoi si la personne veut la raser, il la rase, si la personne veut juste la tailler, il la taille. L'essentiel, il faut la tailler afin qu'elle ne descende pas sur les lèvres. Bimunasaba, on parle du fait de laisser pousser la barbe, même si ce n'est pas cité dans le hadith de Bukhari ou Muslim, les cinq choses de la fitra, ça fait partie de la fitra et c'est quelque chose qui est obligatoire. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى وحفوا الشوارب متفق عليه. ابن عمر rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit différenciez-vous des mushrikin, laissez pousser vos barbes ou laissez les pousser abondamment, وحفوا الشوارب et taillez-vous les moustaches. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari Muslim. Wazad al-Bukhari, et Al-Bukhari a rajouté dans sa version, dans son sahih, وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. Et Bukhari a rapporté comme quoi Ibn Umar, il a rajouté dans sa version, Ibn Umar, lorsqu'il faisait le Hajj ou la Umrah, il prenait sa barbe dans sa main, et ce qui dépassait, il le coupait. Ibn Muflih, rahimahullah, a dit, wa yu'fi wa ya'fi lihyata. Et la personne doit laisser pousser sa barbe. قال ابن حزم وذكر ابن حزم ان ذلك فرض فقص الشاربي ابن حزم a dit que cela est une obligation tout comme tailler la moustache واطلق اصحابنا وغيرهم ان ذلك سنه وفي المذهب ما لم يستهجن طولها et nos compagnons, c'est-à-dire ici Ibn Muflih, il parle des gens de son madhhab, les hanbalites, il dit comme quoi c'est sunna de laisser passer la barbe. Et certains, dans le madhhab hanbali, ont dit, tant qu'elle n'est pas trop longue. C'est-à-dire, ils ont, certains salafs détestaient le fait que la barbe soit trop longue. Contrairement à ce qu'on pense dans notre époque. Certaines personnes. Ils détestaient cela. C'est rapporté de l'imam Malik. C'est rapporté de Tabari. C'est rapporté. Faut pas que la barbe soit trop longue. De manière à ce que la personne soit montrée du doigt. D'accord? D'accord. Ils disent, wafaqan li Malik. En accord avec Malik. ويحرم حلقها اي لا تنتقد لها ابن حزم ده مراتب الاجماع الى غمن الاجماع على ذلك وقرر ابن القاسم في رسالته الشهيره كم كوا الى تنتقد لها ذلك حرام سي ان بيشي سي ان براتيك دي زيفيميني دي المخنثين سوف اون لو سي دان سيتا اون بارل دان جوجمان جينيرال ذكره الشيخ تقي الدين الشيخ تقي الدين استدير ابن تيميه ها بورتي اوسي لانتردكسيون دو رازي لا با ولا يكره اخذ ما زاد على القبضه il n'est pas détestable, il n'est pas déconseillé de prendre ce qui dépasse de la main, c'est-à-dire de prendre sa barbe dans sa main et de couper ce qui dépasse. D'accord? Cela n'est pas détestable, ce n'est pas déconseillé. Recommandé. Il dit ونصه لا باس باخذه. Et la parole de l'imam Ahmed, c'est quoi? Il n'y a pas de mal à prendre ce qui dépasse de la main, de la barbe, وما تحت الحلق. وما تحت حلقه لفعل ابن عمر نيسكيا دسولا سول حلق سول غورج ها لا parole d'Ibn Umar voilà c'est pas il y a pas de mal à faire cela et ça c'est dans le livre al mubdi' sharh al mubdi' le volume 1 la page 106 ça va pour la barbe quatrièmement تقليم الاظافر quatrièmement couper les ongles قال ابن قدامه يستحب تقليم الأظفار لأنه من الفطرة يتفاحش إذا تركها وربما حك به الوسخ فيجتمع تحتها من المواضع المنتنة فتصير راحة ذلك في رؤوس الأصابع وربما منع وصول الطهارة إلى ما تحتها وهذا في المغني ابن قدامة il a dit il est préférable de couper les ongles hein? Il ne faut pas les laisser pousser car il se peut qu'il y ait de la saleté qui s'y mette d'accord et que se rassemblent sous les ongles des odeurs, des choses malodorantes, que cela sente mauvais, ou même que cela empêche à l'eau d'arriver lors de le boudo. Dans ce cas-là, ça annulerait le boudo. D'accord? Donc il convient de laisser pousser les ongles. C'est valable pour les hommes et pour les femmes. De les couper, pardon. C'est valable pour les hommes et pour les femmes. La femme doit se couper les ongles aussi. C'est sunnah. Il n'y a pas de tarsis dans le hadith. Donc ce qui se fait à notre époque, que les femmes laissent pousser les ongles, c'est contraire à la sunna. Si elles ajoutent encore plus ce qu'on appelle en arabe al-manakir, c'est-à-dire le vernis ongle, alors là, c'est le musibatul kubra. D'accord? Sauf dans un cas, c'est par exemple la femme, elle peut le mettre pour s'embellir pendant qu'elle a ses menstrues. D'accord? Et si elle a le manakir, si elle a le vernis à l'ongle sur ses ongles, son wudu est batil. Son wudu, il est invalide. Invalide. Pourquoi? Parce que l'eau n'a pas atteint les ongles. L'eau n'a pas atteint les ongles. Ensuite, natful ibt. Le fait de d'épiler les aisselles. Natf, pourquoi? Parce que c'est ce qui est venu dans le hadith. Natful ibt. C'est le fait d'épiler, d'arracher les poils, littéralement. D'accord? Natful ibt, sunnah. Ceci est sunnah. Ibn Qudama, rahimahullah, il dit dans le Mughni, wa in azal al-sha'ra bil-halq, aw al-nura, jaz, wa natfu afdal li muwafaqatihi lil-khabar. S'il le fait, c'est-à-dire s'il s'épile ou qu'il se rase les aisselles, d'ailleurs, avec un rasoir, il n'y a pas de mal. Ou avec un noura, Allahu alam, c'est une substance, un peu comme à notre époque, la crème dépilatoire. Il n'y a pas de mal. Mais il est mieux de les épiler, car c'est ce qui est venu dans le hadith. C'est ce qui est venu dans le hadith. Ceci, c'est dans le Mughni. C'est rapporté de l'imam Ahmed, de Ishaq, pardon. Qulna ahkam al-sha'r, on finit sur ahkam al-sha'r. Le fait de les règles qui sont liées aux cheveux. Parce qu'il y a plusieurs questions qui sont venues de votre part sur cette question-là. Donc je vous ramène un ensemble de sunna sur cette question-là. La première chose, an Aisha radiyallahu anha qalat kana sha'r rasulillah sallallahu alayhi wa sallam فوق الوفرة ودون الجمة راه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. عائشة rapporte radiyallahu anha, les cheveux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient au-dessus de Al-Wafra et en dessous de Al-Jumma. Qu'est-ce que ça veut dire? Al-Wafra, c'est Al-Sha'r ila Shahmat al-Udhum. C'est le cheveu qui arrive à la chair de l'oreille, c'est-à-dire au lobe de l'oreille. D'accord? Donc ces cheveux, il était entre ça, ou Adun al-Lumma. Al-Lumma, c'est quoi ce qui arrive aux épaules? D'accord? Pardon, si c'est en dessous, pardon, c'est Al-Lumma. D'accord. Donc ils étaient à cette hauteur là quoi, à peu près aux oreilles quoi. Wa idha balagha al-mankibayn fa huwa al-jumma. Al-jumma, c'est si ça arrive aux épaules. Donc pardon, le hadith signifie kana sha'ru rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fawqa al-wafrati wa duna al-jummati, les cheveux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient entre l'oreille et l'épaule. D'accord. Donc ils étaient à peu près l'essentiel, ils étaient longs. Les définitions c'est dans l'autre. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه رواه أبو داود وحسنه ابن حجر. أبو هريرة rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que celui qui laisse pousser ses cheveux s'en occupe, فليكرمه, qui s'en occupe, c'est-à-dire qu'il en prend soin. نعم. Qu'il en prenne soin, barakallahu fik. Donc voilà, c'est ça. Donc partant de là, comme on a dit, comme le disent les ulama, si la personne se laisse pousser les cheveux, iqtida'an bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en voulant suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chacun n'a pas mangé. Il sera récompensé, inshallah, par Allah, subhanahu wa ta'ala. Une autre question, le fait de raser la tête. Ibn Qudama, rahimahallahu ta'ala, قال, اختلفت الرواة عن أحمد في حلق الرأس, فعنه أنه مكروه. لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخوارج سيماهم التحليق. فجعله علامة لهم. وقال عمر للصبيغ لو وجدتك محلوقا لضربت الذي بين عينيك بالسيف. المغني في المجلد الأول. ابن قدامة dit, il est rapporté des versions divergentes de l'imam Ahmed sur le fait de se raser la tête. Et il est rapporté de lui que cela est détestable. Car le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il a cité la secte des Khawarij, leur signe est qu'ils se rasent la tête. Simahum tahniq. L'une des caractéristiques des Khawarij, c'est qu'ils se rasent la tête. Donc il en a fait un signe des Khawarij. Et Omar, lorsqu'il est tombé sur un innovateur à son époque qui s'appelait Sabir, quand il a commencé à faire un jidal sur le Coran, hein, à innover sur le Coran, à poser des questions, à innover sur le Coran, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, si je t'avais trouvé la tête rasée, je t'aurais mis un coup d'épée entre tes yeux. C'est-à-dire, il aurait su que c'est c'était un Khariji comme ils les avaient décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les aurait tués parce que le prophète a ordonné de les tuer. D'accord? Donc, partant de là, c'est détestable, vraiment détestable de se raser la tête. Quand on parle de raser, on parle avec le rasoir. Le rasoir. Pas de se couper les cheveux très courts, ou de se graisser les cheveux. On parle de se raser la tête au rasoir. C'est une caractéristique à notre époque, où c'est fait par certains innovateurs, à notre époque. Voilà, les enfants, on dirait que c'est sunna. C'est contraire à la sunna, se raser la tête. قال ابن قدامة, رحمه الله, أما حلق بعد الرأس فمكروه, ويسمى القزع, لما ذكرنا من حديث ابن عمر, ورواه أبو داود. ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال احلقه كله أو دعه كله. Ibn Qudama a dit, et il est détestable de se raser une partie de la tête et de laisser les cheveux sur une partie de la tête. Et cela s'appelle le qaza'. Et c'est rapporté d'Ibn Omar. Et Abu Daoud rapporte, selon Ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à propos du qaza', rase toute la tête ou laisse toute la tête. Allah a'lam, est-ce que c'est pendant l'umrah ou quoi que ce soit. En tout cas, la personne dont on trouve qui a le qaza', on lui rase toute la tête, afin qu'il n'ait pas une partie de la tête rasée, et une partie qui n'est pas rasée. Wa fi shuruti Umar ala ahli dhimma an yahliqu maqadim ru'usihim ليتميز بذلك عن المسلمين فمن فعله من المسلمين كان متشبها بهم. Ibn Omar, il a mis comme condition au Ahl al-Dhimma, c'est-à-dire aux juifs, aux chrétiens qui vivent dans l'État islamique, de se raser le devant de la tête pour qu'ils se différencient des musulmans. Vous imaginez? Il les a fait se différencier, il les a forcés à se différencier des musulmans pour que dans la rue, dans l'État islamique, tu ne passes pas le salam à un juif ou à un chrétien et que tu saches que cette personne directement, c'est un juif ou un chrétien, c'est pas un musulman. Il les obligeait à se différencier des musulmans. Pendant des siècles, ça a été comme ça. À notre époque, carrément, c'est les murtadines maintenant qui se mélangent aux musulmans, les juifs, les chrétiens. Il ne faut pas faire de différence entre les citoyens, etc., etc. Comme Ibn Omar, Omar radiallahu anhu, quand il était calife, il leur a ordonné de se différencier des musulmans en se rasant une partie de la tête. Celui qui se rase au genou une partie de la tête, eh ben, il aura imité les juifs et les chrétiens. Il aura fait quelque chose qui est propre aux juifs et aux chrétiens. Et ce qui est assez drôle, je le cite, ça c'est dans le Mourni, ce qui est assez drôle, c'est que certains vieux parmi des gens, personnes âgées du Maghreb, lorsqu'ils voyaient une personne, on m'a raconté ça, lorsqu'ils voyaient leurs enfants revenir avec des dégradés, ils lui disaient que ça c'était la coupe de l'Yehoud. C'est-à-dire, c'est un bon sens qu'ils avaient et c'est un reste de ces pratiques-là. C'est quelque chose qu'ils ont hérité de leur père. D'accord? De leurs ancêtres. Ces coupes sont des coupes de juifs. Quand on voit des jeunes musulmans, certains même avec la barbe, qui a une espèce de plateau sur sa tête de cheveux et le reste rasé, c'est une caractéristique des juifs et des chrétiens. C'est une imitation des juifs et des chrétiens. Al ibn Qudama rahimahullah, pour rajouter sur cela, wa yukrahu halqul qafa لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إليه. قال المروذي سألت أبا عبد الله عن حلق القفا فقال هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم. Il dit, Ibn Qudama, il est détestable de se raser la nuque, le derrière là. D'accord? Une crête, quoi. Comme le contraire, mais je sais pas, ou les dégradés, je sais pas ce que c'est. Celui qui n'en a pas besoin. Al-Marruzi, qui est un élève de l'imam Ahmed, a dit, j'ai demandé à Abu Abdillah, c'est-à-dire l'imam Ahmed, à propos d'une personne qui se rase la nuque. Il dit, cela est l'acte des majous, des adorateurs du feu. Et celui qui imite un peuple, il en fait partie. C'est la parole de l'imam Ahmed. D'accord? Donc c'est al-karaha bima'na Allahu a'lam al-tahrim. C'est plus proche de l'interdiction. D'accord? Certains ulama à notre époque disent que toutes les coupes dans lesquelles il y a une différence entre les cheveux, ça rentre dans le qaza. Je l'ai entendu de certains chouyours. Et certains disent non, le qaza c'est vraiment quand une partie est rasée et sur l'autre il y a des cheveux. D'accord? Ou l'ajtinab. Ajtinab al-ifnayn. Le mieux c'est d'éviter les deux et de se couper les cheveux partout pareil ou de se laisser pousser les cheveux pour celui qui veut le faire. Wallahu a'lam, les entretenir. Tafawwak. Allahu fiqh. Wallahu a'lam. Sallallahu alayhi wa sallam.